Bienvenue dans l'atelier humoristique de Prune. C'est ici que des professionnels du divertissement travaillent tous les jours dans le seul but de vous faire rire. Ou devrais-je dire, dans le seul beat de vous faire rire. Le mot beat tient en effet une place importante dans l'œuvre de l'unité de divertissement de Prune. La beat tient également une place importante dans la vie de chaque membre de l'unité de divertissement de Prune, que ce soit dans la bouche, dans la main ou bien dans mon cul. Ah non, c'est trop vulgaire! Excusez-moi, l'homme que vous venez d'entendre s'appelle Georges, il est chargé de la bienséance de la production de l'unité de divertissement. En effet, on ne peut pas tout se permettre lorsqu'on s'exprime sur une radio jeune, fédératrice et citoyenne telle que Prune, surtout à une heure de grande écoute. Il n'est pas de bon ton d'employer les expressions cunilingus à la cire chaude ou sodomie à la moutarde en grain entre 7h et 9h du matin par exemple. Et tenez, puisque nous parlons d'exemple, permettez-moi de vous laisser entendre un petit exemple de ce qu'est un sketch bienséant. A vous de nous faire savoir si vous trouvez ça drôle en envoyant un message à aimebonaparte@prune.net. Attention, il y a un trait d'union mais pas d'accent, poil aux dents. Retrouvons tout de suite notre reporter chargé de couvrir les Jeux Olympiques, générique. Les Jeux Olympiques. Bonjour et bienvenue dans la ville des États-Unis qui accueille la Schmouvulniam édition des Jeux Olympiques d'hiver, mais trêve de blabla, nous sommes ici pour le sport, alors suivons donc tous ensemble et en direct une compétition d'un truc qui se fait sur la neige. C'est trop vulgaire. Non, c'est du ski en raquette avec des bobsleighs qui descendent de la montagne à cheval. Et puis ya ya yippie yippie ya, yippie ya ya yippie yippie ya, bon bien, les concurrents sont maintenant tous en bas de la piste, on ne sait pas trop qui a gagné, celui qui est allé le plus vite ou bien celui qui a fait le plus de figures, mais l'essentiel, c'est qu'il ne soit pas anglais. Attendez, on me dit quelque chose. Oui, j'apprends à l'instant que c'est le Norvégien qui vient de remporter la médaille d'or, donc tout le monde est content, puisqu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre l'hymne de la Norvège. Nous l'écoutons tout de suite. Elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Yippie ya ya, yippie yippie ya, yippie ya ya, yippie yippie ya, yippie ya ya, yippie yippie ya ya, yippie yippie ya ya. J'espère que vous avez apprécié ce grand moment d'émotion, et même si on ne dit plus ça depuis au moins 40 ans, laissez-moi tout de même vous quitter en disant à vous les studios. Il est maintenant temps de retrouver votre rendez-vous hippique, parce que c'est le matin et il s'est pas encore rasé. Générique. Bonjour et à vos souhaits, nous sommes heureux de vous retrouver en direct de l'hippodrome ta mère pour le Montagnard Trophy. Mais trêve de blabla, nous sommes ici pour le cheval, alors attendons ensemble que le bonhomme avec le pistolet tire un coup pour faire peur aux chevaux et qu'ils partent tous en courant très vite avec des mecs en collant sur leur dos. C'est trop vulgaire! Menons, dit la vache, et alors que le petit bonhomme au pistolet vient de donner le départ, et puis que les chevaux sont tous partis très très vite, et puis qu'ils prennent encore de la vitesse, et puis que ça n'a pas l'air de gêner le jockey, et puis que non, c'est pas encore qui c'est qui va gagner, et puis ya ya yippie yippie ya, yippie ya ya yippie yippie ya, yippie ya ya yippie yippie ya ya, yippie yippie ya ya yippie yippie ya. Et il est maintenant temps de retrouver votre programme musical générique. La musique pour les joueurs. C'est trop vulgaire, mais on retrouve quand même les Mountain Riders avec un extrait de leur dernier album qui déchire tout. Le morceau s'appelle Going Down the Hill, Riding Yippie Horses, et c'est maintenant sur Prune. Elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Yippie ya ya, yippie yippie ya, yippie ya ya, yippie yippie ya, yippie ya ya, yippie yippie ya ya, yippie yippie ya ya, yippie yippie ya.